pas plus. On paye le transport. J'ai décidé de monter un peu de tape. Vu que j'ai content et que ma série sauve le kebab. Là. Ok, Thierrot, et maintenant je posais une colle. Combien d'émissions J.P. Yeman a fait-il à Canal Sud? Combien d'émissions J.P. Yeman a-t-il fait à Canal Sud? Depuis combien de temps, je veux dire? En 80, j'étais à Radio Tam Tam à Esquirol et Edo le Fumunkanda est venu chercher J.P. Yeman de Celui qui Flash ne paie Black jamais. La pour dette faire à l'émission avec Fidel, les sisters Anne, les tambours fumants de la Black Machine. Mais c'est qui ça, jeu? C'est J.P. Yeman en fait. Oui. Ah d'accord, donc J.P. Yeman a fait combien d'émissions en fait? Donc c'est jeu en fait, donc t'as fait combien d'émissions alors? Ben, j'en totalise actuellement 33 années. Mais t'en fais encore des émissions à... 33 années. Et oui, J.P. Yeman, le doyen de Canal Sud. Voilà, donc c'est J.P. Yeman, le doyen de Canal Sud, vous l'avez entendu, vous l'entendrez plus de la soirée parce que à force, 78. c'est beaucoup quoi. Beaucoup de doyens hein, pour la soirée. Allez. Bon, alors franchement, je suis d'un irrespect Tu total. connais les moi-jeux? Je suis un gros Les connard, donc moi-jeux de Maurice Bénin. Le volume monte insidieusement, insidieusement vers une finalité du Maurice Bénin. désœuvrement. Maurice Bénin, un chanteur exquis. Nous sommes des désœuvrés, n'oubliez pas. Que j'écoutais chez mes amis de la société de fabrication en Bretagne. Ils me l'ont présenté, j'adorais. Tout en disant comme qu'ils ne comprenaient pas tout. Vraiment, vraiment mignon. Oui. Donc, Maurice Bénin, il y a le mot apocalypse chez lui. Et l'apocalypse, c'est révéler ce qui était caché. L'apocalypse devait être né d'une fille qui s'est jetée dans mes bras en me disant il faut sauver l'eau, en m'offrant son cœur, en me faisant un kiss sur la bouche. Ben, je sais pas, j'étais avec Dieu, j'ai sauvé sa putain d'eau. Mais le lendemain, en l'attendant à l'auberge, le dessin de l'Apocalypse, un cœur formé par deux becs de flamant rose, avec deux soleils lumineux. Allez, moi j'avais Dieu, buvons à la source de Dieu, Dieu se diffusant de partout et par tous. Dans la création terrestre, parce qu'il y avait une tache verte, et les deux flamants et flamants roses, c'est une île volcanique. Donc, dans la création terrestre, je sais pas pourquoi on l'a eu dans l'os, je vois pas. J'ai été expulsé d'Espagne sans mes toiles et sans mon sac de couchage. Il y avait un truc que j'ai pas compris avec le Big Bang. J'ai mon ancien auprès d'un psy, POM, lobotomie. Je dois dire, j'ai pas apprécié. Vraiment pas. J'ai jamais rien pu dire à personne. Je croyais que Dieu m'avait abandonné. Ça, faut le faire. Non, c'est pas possible, quoi. Dieu a abandonné. Ah, Dieu m'a pas abandonné. D'abord, je suis à son service. Et en plus, j'ai eu toutes mes prières, sauf revoir elle, exaucée. J'ai eu le mur de Berlin, l'évêque de l'Est, l'eau, et dernièrement, l'arc-en-ciel mondial. Je demande à Dieu, je fais une prière. En Brésil, j'ai pas le droit de prier. Et où? T'es pour me faire un petit arc-en-ciel, si tu veux? Le lendemain, je vais assis sur le banc. Comme d'habitude, à passer la journée, j'ai regardé Dieu pousser les éléments. 2 jours après la pluie, 2 jours après l'arc-en-ciel à Toulouse. Voilà, j'ai vraiment magique, là. T'es vraiment fait un peu partout. 2 jours après, j'étais en train, j'arrivais dans ma ville natale, à Brest, pam! De la fenêtre du wagon, arc-en-ciel. 2 jours après, la FIFA, la Coupe de France de la FIFA, dans la nuit arc-en-ciel. Et deux jours après, encore à la télé, un autre arc-en-ciel. Ça vous ira Dieu comme c'est ça. C'est vrai que ces arc-en-ciel sont souvent des signes. Vous voyez en plus le paradis. Moi, personnellement, vous avez intérêt à vous transformer. Parce que j'ai comme mécène. Et j'ai, s'ils arrivent là-haut, ils vont recommencer. Et donc ça recommence. Nous avons donc un invité avec nous à présent. Donc c'est bah, je te laisse te présenter. Oui, bonsoir, JP Yeman, qui faisait donc partie du magasin de disques 46 rue de Metz, qui s'appelait Jumbo Music. 46 rue de Metz, Jumbo Music. Et donc nous faisions des soirées concerts oui. à Toulouse, avec oui. par exemple Rochereau Taboulé, la Frisée Internationale de Kinshasa. Et on est passé à l'émission de France Inter qui s'appelait Musique sans passeport. Oui. Voilà. Et donc c'est pour ça que JP Yeman, qui est monté avec Mamadou Ntsumou, gouverneur du Gabon, ambassadeur en Côte d'Ivoire, Mamadou Ntsumou, docteur en génie civil. Donc Mamadou Ntsumou avait monté l'émission, le magasin disque Jumbo Music à 46 rue de Metz. Et JP Yeman était donc dans cette équipe, puisque c'est mes grands-parents qui lui ont fait avoir l'affaire. Et donc j'avais les clés du magasin et de la caisse, pour dire que JP Yeman était de Jumbo Music. Tu veux dire que JP Yeman, donc toi, était de Jumbo Music en fait? C'est ça. C'est ça, d'accord. Magasin de disques afro-antillais, latino-américain et reggae. Il y en avait comme la clientèle, JP, toutes JP. Les radios de Toulouse. JP, tu peux... attends. Pourquoi tu dis JP Yeman et pas jeu, quoi? Parce que c'est un personnage. Non, je demande à JP. Eh bien, vous tapez sur YouTube JP Yeman, le reggae man, vous aurez une vidéo de JP Yeman, et après vous comprendrez. Pourquoi tu parles pas de jeu, enfin la troisième personne du personnage, enfin singulier, quoi, je veux dire. T'es singulier comme personnage, c'est ça, en fait? Très singulier, oui. D'accord. Et tu te trouves indulgent aussi? Non, moi je suis dans la peace love. D'accord. Donc, et t'exagères des fois ou? Non, nous c'est les Lions de Love Reggae. D'accord. Et le reggae c'est une musique comment pour toi? Eh bien, pour moi le reggae, puisque j'ai interviewé Bob Marley en 78, et donc pour moi le reggae a été une révélation par rapport au rock. Et j'aime bien le rock, mais aussi j'aime bien le reggae. Et pourquoi t'aimes bien le reggae, JP? Pourquoi t'aimes bien le reggae? Mais pour tout expliquer, je suis le cousin par alliance de Papa Wemba, le chanteur de la rumba zaïroise. C'est quoi un cousin par alliance, en fait, JP? Mais c'est-à-dire que Patrice de Géna de la famille Papa Wemba s'est marié avec ma cousine Elisabeth. J'étais témoin du mariage. Et par un fils aîné qui s'appelle Alvin Jenna, qui a 22 ans maintenant. Et c'est quoi 22 ans pour toi? 22 années, mais c'est du temps qui passe, et nous avec. Et 33 ans, c'est quoi pour toi? Mes 33 années de radio. Voilà. Et t'as quel âge? 50 ans. 50 ans, donc en fait, t'as 17 années sans radio, quoi. Il s'agit aussi de se démarquer par rapport au grand-père, qui était un résistant. Oui, effectivement, c'était le colonel FTP. C'était comme la Fédération Française de Cyclotourisme, tout le monde l'a reconnu. La Fédération Française de Cyclotourisme. Donc, comme je disais, il se trouve qu'actuellement dans les studios, nous avons des invités qui sont dans le bocal. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Alors, moi, je m'appelle Thierry. Voilà. Pour tous mes amis, je m'appelle Thierry. Mais mon meilleur ami, mon ami Daniel... un bassiste terrible. Non, je ne ressemble pas au sale con qui aime bien te réduire à néant. À néant, ça c'est bien le néant. Parlons du néant un peu ce soir. JP, qu'est-ce que tu as à dire sur le néant, quoi, JP? Eh bien, pour moi, le néant, c'est l'étoile noire. L'étoile noire du berger, tu veux dire? Non, pas l'étoile du berger. Ah, l'étoile noire du berger, je veux dire. Non, elle n'est pas noire, l'étoile du berger. Laquelle, l'étoile noire ou l'étoile du berger? Attends, tu parles à un cousin de Papa Wemba. C'est qui Papa Wemba? C'est le chanteur de la rumba zaïroise. La rumba zaïroise, je connais pas, désolé. Qui est passé à Arte. Ah, je suis vraiment troublé, quoi. C'est quoi, Hortel? Tu veux que je te trompe dans mon page? Non, vas-y, toi, moi, attends. Personnellement, j'ai été manager du groupe Mondjaka Family. C'est vraiment dommage que je me prenne pour, comme un manche, parce que c'est 8 tambours. Et pas. Personnellement, j'ai connu, ils m'ont pris comme manager. On faisait la manche dans le métro en 88-89. À l'époque, c'était quand même 200 euros pour la prestation en moins d'une demi-heure. Eh ben, groupe de Rastafari sénégalais. C'est la thune, ça, c'est beaucoup d'argent, c'est... ça. Bah ouais, bah pour une petite passe. C'est combien, combien ça touche un manager sur le groupe? Ben, manager, je pense que j'étais déjà... Moins le patron. Moins le patron du groupe. C'est qui, le patron, c'est qui le patron du groupe? Le patron, c'est Samuel Mundjaka. D'accord. Lui, c'est le mec qui touchait le plus dans le groupe, quoi. Ah ben... C'était le roi, quoi. Le roi. C'était, c'était partage égal pour tout le groupe. Mais pas pour le manager, quoi. Non. Non, peu importe. Mon gars, désolé. C'est lui, le patron du groupe. C'est lui qui s'occupait de tout pour qu'on manque rien à la maison. Payer la baraque. Tous les travaux administratifs, c'était, on n'avait aucun souci. Alors qu'il touche un peu plus que nous, je vois pas où l'inconvénient. Il n'y a pas d'inconvénient, sauf pour vous, quoi, en fait. Mais ouais. Je dois quand même préciser, avant de mettre la belle musique, que JP Yeman fait partie aussi du groupe Black Bombay. Parce que je suis le DJ de l'association Culture Reggae Zébulon Productions. Alors tu veux dire que JP Yeman donc, est le DJ de machin, et donc que tu es Black Bombay. Ouais, tu es partie intégrante du groupe Black Bombay en fait. Tu prends le pressbook, le reporter, Jean-Pierre Fabre, DJ JP Yeman. Comme Fabre-Castel, tu veux dire Faber-Castel, les crayons quoi. Ouais, tout à fait. D'accord, c'est cool. Bon ben, je vais inviter donc la troisième personne à se présenter, peut-être si elle le veut, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Gilbert, voilà. Tu n'étais pas obligé de te présenter, mais tu peux le faire si tu veux encore. Je ne saurais pas trop quoi dire. Non, mais tu peux encore le faire, je veux dire te présenter, quoi. Oui, bon, mais j'ai envie d'entendre vraiment ce que disent les invités. Bon ben, alors, Thiro. Oui. Eh ben, je crois qu'on a envie de t'entendre. Ouais. Donc alors j'ai envie de revenir sur la donzelle. Tu sais la donzelle de tout à l'heure, la meuf de tout à l'heure qui sortait de la plage là, de la mer, je veux dire. Avec son bikini. Elle s'appelait comment? C'était quoi son prénom? Elle s'appelait Patricia. Patricia, c'est un joli prénom ça. Et je sais pas ce qui s'est réellement passé quand je l'ai connue à Barcelone, parce qu'elle m'a apparu comme semblant ayant plus de cuit que moi. Ça, faut vraiment le faire, parce que moi, dès l'âge de 15 ans, j'avais 151. Tu veux faire mieux que moi, tu réponds à la dernière question de test de cuit dite de poche. Je crois que c'est le secret du biscuit. Moi, sans l'avoir trouvé, j'ai quand même réussi au biscuit à 19 ans. Un truc que je viens de payer, j'ai réussi. Excuse-moi, j'ai pas compris. Qu'est-ce que t'as réussi à 19 ans? Excuse-moi. Le Rubik's Cube. Le Rubik's Cube, pardon. Mais oui. D'accord. J'ai vu dernièrement les champions du monde de Rubik's Cube. D'accord. J'ai vu comment ils faisaient. Je vois, je suis tombé sur un Rubik's Cube 3 jours après. Eh ben, j'ai fait comme eux. Il y a une technique, on va montrer la technique. Ouais, c'est comme au solitaire, il y a une technique. Quoi. Moi, personnellement, je mets au défi de réaliser le plan que j'ai fait pour réaliser le Rubik's. T'as déjà le premier étage, les 4 faces, t'as le deuxième étage, les 4 faces, et après tu t'amuses pour le finir. On arrive à s'amuser avec un Rubik's Cube selon toi, quoi? Ah ouais, je me suis éclaté. Parce que moi, ça me fait monumentalement chier, quoi, mon gars. T'sais. À mon Rubik's Cube, je veux dire, je me fais chier devant un Rubik's Cube, quand je le regarde, je touche pas parce que j'ai honte, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu n'as pas peut-être. Si vraiment ça te casse les couilles, voilà. Tu le défais. Voilà, c'est ce que je pense. Ça se remonte tout seul à l'endroit. Voilà, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Merci Rubik, quoi. Quelle belle invention. Le micro, c'est encore là hein, si vous voulez intervenir. Et alors, n'oublions pas que Canal Sud fête ses 30 années. Et donc on a été malheureusement privé de Nuisance ce soir. Nuisance, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui est Nuisance, que vous retrouverez le vendredi de 21h à 23h avec Al. Donc Al, il n'est pas le doyen de Canal Sud, mais Al, donc Al, et genre le mec qui est là depuis des années, quoi, genre longtemps, quoi, tu vois, Al. Et donc Al, tu vois, Al, et ben Al. Donc j'ai payé man. Je me rends compte, se rendre compte que l'on parle de soi à la troisième personne. Je n'ai pas eu de chance, je suis un enfant battu à mort. Y'a un livre qui est écrit sur moi de Tom Walsh. Je suis l'enfant qui pleure de Ken Kesey. Battu à mort au Maroc à l'âge de 4 ans. Mon père m'a coupé les fonctions de l'intuition avec Dieu. J'avais pourtant fait avant qu'il me tape un dessin sur tableau noir de l'école où j'étais à la maternelle. À sa fille, j'ai réalisé un couple et trois gosses. Ça a donné la petite maison dans la prairie. C'est principe, c'était ma famille. Je sais pas pourquoi mon père m'a battu à mort. Ben, il a créé la surpopulation. Ah, le taré, celui-là, je vous jure. Eh ouais, depuis, je suis l'enfant qui pleure. Et à 7 ans, ça a continué. Déjà, l'école préparatoire avec la maîtresse, quand je parlais pour la première fois avec le fils ami Jagger. Bon, pardon! Eh, maîtresse, comment vous savez, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Méfiance, l'année suivante, tout près, et sa règle, un ancien collabo, sa règle s'appelait Gertrude, et m'a battu à mort en me mettant un genou sur ses cuisses. Eh ben, il a éclaté les miennes avec sa règle. L'année suivante, un continent sur une aire. Je demande au maître que j'avais en cours élémentaire première année. Eh, monsieur, je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît. Non ! Eh bien, bien. Enfant battu pour aller pisser. J'ai fini par me pisser dessus. Et ça continue, une claque dans la gueule. Et trois autres paires de claques qui m'ont cassé les tympans chez un professeur dans une maison de correction. Moi, j'y étais allé pour ne pas rater mes études. Ouais, ça m'ennuyait. Donc, c'était en quatrième, 15 de moyenne. J'oublie l'enveloppe timbrée. Deux courriers qui lui ont envoyé à mes yeux en me disant le prétexte fallacieux. Alors quoi? On a peur que les parents reçoivent les mauvaises nouvelles. Trois paires de claques dans la tête. Mais 15 de moyenne quand même. 15. Je les admire. Vraiment, c'est dingue. T'admires qui? T'admires les profs de t'avoir foutu des cagues dans la gueule, c'est ça que tu dis? Non, tu fous de la gueule, tu te fous de leur gueule. Je ne peux pas les boire en peinture. Voilà, on est bien d'accord. J'en ai pas parlé à Heinrich. Sinon, il fait ses coupes en morceaux, broyeur et déchetterie. C'est clair. Aussi. Bouffé par les porcs. Je sais pas ce que mangent les porcs, à mon avis, autre chose. J'espère pour eux. Non, mais mes amis ne peuvent pas blairer les porcs. J'espère. Ils ont fait un sketch. Ça doit commencer par Rodolphe la machette. Ce mec est un porc. La machette qui tombe sur un membre. Ça continue. Et professeur Rodolphe nous salue. Ils arrivent. T'inquiète, Rodolphe. Non, c'est le problème, ouais, nous sommes mis soin. T'inquiète, Rodolphe, j'ai mon échappatoire. Et ce coup, comme on les bras comme ça, et s'envole dans l'espace. C'est ton imagination, ça? Ah non, c'est pas mon imagination. C'est Radio Libre Éphémère, un sketch téléphonique. Et les gars, vous savez tous que Thierry Rigam de Greenpeace. Et ils sont complètement appelés par la vache folle. On va faire un sketch. C'est. Fin de la vache folle, c'est ce que je peux dire. En parlant de faire une sieste, les gars, on en fait une? On fait une petite sieste? Une petite pause. Une bonne pause. On va réfléchir. C'est fini? Moi, j'ai bien envie de dire que oui, quoi, parce qu'il est pratiquement minuit et j'ai envie de manger. Ok. Bah, merci à tout le monde. Merci à toi. Merci à toi. Merci à Canal Sud, surtout. Carrément, mais t'es, vous êtes le bienvenu. Upside down shot, inside and outside, hitting you from every angle. There's no doubt I am the one and only.